Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il est permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. On va parler des Jeux olympiques de Pyeongchang. On va faire un résumé de la première semaine avec notre collaborateur pour les Jeux olympiques, Paul Hall. Bon matin, M. Hall. Bon matin à vous. M. Hall, qu'est-ce qui vous a marqué en cette première fin de semaine des Jeux olympiques? Bien, la première, c'est la réussite de l'ouverture des Jeux. On avait quand même, je dirais pas des doutes sur la capacité organisationnelle ou la logistique, mais toute la question politique avait comme peu de la place sur la dimension sportive. Donc, moi, j'attribue une médaille d'or à la Corée du Nord. Vous allez trouver ça étrange, mais la Corée du Nord a réussi son opération relations publiques de façon extraordinaire. Ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu venir, celle-là, mais dans la dernière quinzaine avant l'ouverture, la façon dont la diplomatie a joué des deux côtés de la frontière, ça a été bijou. Ouais. Je ne sais pas, parce que, évidemment, on est à distance, je ne sais pas le rôle véritable que le Comité international olympique a joué là-dedans, mais on peut présumer que M. Bach, le président du CIO, a certainement été une bonne cheville ouvrière dans toute l'histoire. Les États-Unis ont eu l'air fous totalement parce qu'ils ont été totalement absents de cette manière de faire. Et en plus de ça, le comportement du vice-président au moment des cérémonies, pré-ouverture et à l'ouverture, ont montré à quel point ces gens-là, notamment de les représentants de la Maison-Blanche, sont totalement dénués d'un flair et d'un sens de la diplomatie. OK. Ensuite, évidemment, si on va directement du côté sport, je pense qu'il faut saluer bien bas la grande victoire. Je dis bien la grande victoire parce que ça, c'est une première dans l'histoire olympique canadienne de Ted Jan Bloemen, le patineur de vitesse qui a remporté le 5000 et le 10 000 mètres. Ça, okay. Le 5 000 et le 10 000 mètres en patin de en patin de vitesse longue piste, ça, il faut le faire parce que, généralement, dans l'histoire olympique canadienne, ce sont nos patineurs de vitesse longue piste sont généralement très bons ou bons sur les distances sprint, d'abord le 500, le 1000 et le 500 mètres. Et ça, c'est évidemment Gaëtan Boucher qui a ouvert la voie en 1980. Ben oui. Mais la victoire de Bloemen, il faut la saluer. À mon avis, c'est l'exploit de la semaine, c'est clair. Parce que, bon, ajoutons quand même, on va atténuer quand même un peu la chose. Bloemen, sa formation de patineur, il l'a eu aux Pays-Bas. C'est un gars qui, jusqu'en 2014, patinait pour la Hollande, en fait, les Pays-Bas. Et à cause de l'histoire de son père, qui est né au Nouveau-Brunswick et tout, bon, ben, il a du fait qu'il a pu avoir la nationalité canadienne et il patine donc depuis 2014 pour le Canada. Enfin, il y a un petit bout de la couleur des deux médailles, or et argent, qui revient aux Pays-Bas, mais le grand bout, les trois quarts des deux médailles, on va les prendre pour le Canada. Surtout qu'on n'a pas vraiment l'installation ici. Hein, là. C'est à Calgary, l'installation pour le... C'est à Calgary, puis à Vancouver. Que ouais. Les patineurs peuvent aller. On attend toujours avec une certaine fébrilité l'anneau de glace tant promis par le maire de Québec. La bombe, hein? On attend. C'est prévu, mais évidemment, on parle ici d'une centaine de millions au minimum pour construire un anneau de glace que l'on mérite amplement, parce que rappelons que c'est à Québec, véritablement, que les premiers patineurs de vitesse, les pionniers, les frères Gagné et d'autres, ont développé les premiers patineurs, et parmi lesquels, évidemment, le plus glorieux, si je mets le terme entre guillemets, c'est Gaëtan Boucher. Effectivement. Michael Kingsbury aussi, hein? Mais Michael Kingsbury, c'est le successeur. Après Jean-Luc Brassard, après Alexandre Bilodeau, Michael Kingsbury se s'avère être véritablement l'héritier du trône, comme on dit, le boss des boss. Mais... sa médaille était prévue. Il avait quand même, si je ne me trompe pas, 9 podiums sur 10 courses en Coupe du Monde 2017-2018. Et s'il eût fallu que Kingsbury ne remporte pas la médaille d'or, je pense que ça aurait été carrément reçu comme la pire nouvelle de la semaine pour l'équipe canadienne olympique. Mais il a fait ça en grand. Cette médaille, dans la dernière course, il a ramassé, comme on dit, son talent et sa capacité de compétitionner à l'extrême, et il a remporté une médaille haut la main. Et je pense qu'il faut également saluer cet exploit. Maintenant, les deux médailles en luge, ça aussi c'est une première. Oui. La luge féminine en simple et la luge par équipe, c'est étonnant. Donc c'est, comme on dit, un cadeau. Il n'y a pas tout le monde qui l'attendait, quoique Mme Gorff était au pied du podium en 2014 à Sochi. Elle a remporté cette fois-ci une médaille, et ça mérite également d'être souligné comme performance de la première semaine. Dans l'ensemble, il faut y aller un petit peu aussi de l'autre côté, aller voir du côté de l'ombre. On a parlé de la lumière, là. Oui. Mais du côté de l'ombre, on a des doutes. Évidemment, j'écoutais tout à l'heure l'interview d'Alex Harvey. Oui, c'est vrai. Il a reconnu, et ça, chapeau à Alex. Il a reconnu qu'il a fait une contre-performance au sprint. Il a mis la faute, mais sur personne, pas sur les farteurs, pas sur les conditions de neige. De toute façon, conditions de neige, de froid et de vent sont les mêmes pour tous les compétiteurs. Il a carrément reconnu une contre-performance. La huitième place, ou la septième, la huitième en épreuve d'ouverture, on peut peut-être la considérer comme une très petite déception, mais une déception quand même. Parce qu'Alex aurait pu être au pied du podium, sinon sur le podium. C'était le skiathlon, 15 km classique et 15 km libre, épreuve dans laquelle Alex excelle généralement. Et là, ben, évidemment, il y a une chose également qu'il faut dire. Il se bat, tout le monde se bat contre une machine qui est la machine norvégienne. Okay. Les Norvégiens sont absolument époustouflants cette année aux Jeux olympiques. J'en profite pour aller au-delà du ski de fond. Il faut également parler que les Norvégiens dominent présentement dans les épreuves de ski alpin. Skanval et puis l'autre, là, Jan Rood, c'est ça, qui se partagent les places sur le podium, premier, deuxième, premier, troisième. Ça, c'est dans les épreuves de ski alpin. Et les Norvégiens sont redoutables. Redoutable à plusieurs égards, et je pense qu'il faut souligner le fait que d'Olympique en Olympique, ce petit pays de moins de 6 millions d'habitants, ou à peine, continue à être sur aux avant-postes et sur les premières marches des podiums année après année après année. J'ai capté un court reportage qui a été fait sur les entraînements, les camps d'entraînement en Norvège, des athlètes olympiques, notamment en ski, dans toutes les épreuves de ski. C'est phénoménal. Et à quelque part, je pense qu'on doit prendre exemple sur eux et voir un petit peu le petit tour de roue de plus qu'on pourrait donner au Canada pour arriver avec cette flamboyance des Norvégiens aux Jeux olympiques. Mais également, il faut comprendre que ça va au-delà du sport. Il y a une culture populaire dans les pays scandinaves, en Norvège, en Suède, en Finlande particulièrement, qui fait que de décennie en décennie, de génération en génération, il y a constamment un processus de découverte de talents et de développement de ces talents-là pour les amener au plus haut niveau. OK. 13 médailles jusqu'à maintenant. 4 d'or, 5 d'argent, 4 de bronze. Est-ce que ça va comme prévu? Oui, moi je pense que je pense que le Canada est là où il était à peu près. Je dirais, écoutez, là, on comprend que dans cette mathématique, on parle en chiffres absolus. Il faut dire que on dit 13 médailles. Ah, on est sur le même pace que, par exemple, en 2014 ou même en 2010 à Vancouver. Mais il y a des déceptions, il y a des médailles attendues qui ne sont pas livrées, mais en même temps, il y a des médailles non attendues qui sont livrées. Je parlais des deux de la luge, je parle du doublé de notre ami Bleumann, mais ça fait 4 médailles qui, bon, on disait c'est possible, mais on ne les comptabilisait pas véritablement comme des médailles acquises. Bon, Alex était attendu jusqu'à maintenant pour au moins un podium à date, c'est pas fait. Il s'est classé 7e hier, en fait. Pour nous, c'était aujourd'hui ou quelque chose comme ça avec le fuseau horaire, mais au 15 km, il est rentré en 7e place. Il aurait pu être au pied du podium, il ne l'a pas été. C'est une médaille qui n'est pas là, mais par contre, comme je disais, il y a des médailles autres qui nous arrivent. Patrick Chan est en 6e place présentement au solo à l'épreuve de patinage artistique. Il est attendu pour une médaille. Ça va être extrêmement difficile à cause de sa chute qu'il a fait. Il y a donc un gros déficit de pointage, et ça va être... En tout cas, l'or, il ne défendra pas son titre, mais il y a encore une place sur le podium, c'est le programme long, mais il y a une sacrée compétition et une sacrée opposition devant lui. Donc, il n'y a rien d'acquis là-dedans. Les 13 médailles sont correctement placées. On ouvre sur la deuxième semaine. Il y a encore du potentiel dans le patinage courte piste, donc. Beaucoup, même de ça. Ben oui, vos gens de la région ont encore bien des chances de monter sur le podium. Le curling, on a encore de la marge pour avoir des médailles dans ce domaine-là. Ouais. Qu'est-ce qui va nous rester, par contre? Il y a le hockey masculin et féminin. Ça, c'est une médaille assurée pour féminin. Masculin, on verra, c'est tellement embêtant, masculin, juste à... Ben, c'est toujours facile de dire que la médaille est acquise au féminin. Ouais. L'opposition vient de 4 équipes, alors on s'entend qu'il y a 3 places sur le podium. C'est comme pas trop... faut pas être trop expert pour prévoir que si tout va le moindrement normalement, on a une médaille dans le domaine, c'est-à-dire dans le hockey féminin. Maintenant, est-ce qu'on va arriver au compte des 25 ou des 26 médailles? Moi, je l'espère, évidemment. On est tous Canadiens quand on fait des jeux. J'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, et je vais vous dire une chose, même si nous arrivions à 25 médailles, il faut quand même, ça c'est une valeur absolue, mais il faut dire que il y a 20% de plus de médailles à l'enjeu qu'il y en avait en 2006 à Turin. En 2006 à Turin, il y avait 252 médailles à l'enjeu, puis il y en a 306 maintenant. Ça veut dire que si vous voulez une proportionnelle, pour véritablement rester dans la moyenne que le Canada a atteint depuis Turin en 2006, il faudrait gagner 30 médailles. Okay. Parce qu'on a, ben, écoutez, on a entre 306 et 252, on a pratiquement presque 60 médailles, un peu moins que 60 médailles de plus à l'enjeu à Pyeongchang qu'il y en avait à Turin en 2006. Donc, pour que véritablement le Canada livre. Et qu'est-ce que ça veut dire livrer pour le Canada? Ben, ça veut dire qu'il doit être à 10% de la valeur totale des médailles. Conséquemment, sur 306 médailles, il devrait en remporter 29 ou 30 pour rester sur sa moyenne de médailles obtenues au cours des 12 dernières années. Et ça, c'est pas certain. Donc, du côté promotionnel, Équipe Canada va dire, s'il remporte 26 médailles, on a aussi bien fait qu'à Sochi, aussi bien fait qu'à Vancouver et presque qu'à Turin, on avait 24 médailles. Mais il faut dire qu'à Vancouver, en 2010, il y avait 258 médailles à l'enjeu. On a remporté 26, ça veut dire qu'on a remporté 10% des médailles. Et si on en remportait 26 cette année, à Pyeongchang, on ne remporterait, en fin de compte, qu'à peine 8% des médailles. Ça veut donc dire que les experts et les analystes, véritablement, c'est sur ces données-là qu'on va devoir s'appuyer pour évaluer la force véritable du Canada. Et okay. aussi, il faut dire que maintenant, en 2018, c'est la dernière année potentiellement de 50 % des athlètes qui ont de l'expérience olympique. Comme Marianne Saint-Gelais, Charles Hamelin, ici, pour le, dans la région. Ces gens-là vont tous quitter. Ouais. Et là, la question est de savoir maintenant quelle est la puissance de la relève. Et ça va être donc en 2022. C'est en 2022 qu'on va véritablement voir où on en est. En 2022, n'oubliez pas qu'on s'en va en Chine. Ouais. On est encore en Asie. Les trois prochains jeux, pas ça. C'est ça. Ben là, évidemment, Tokyo, les prochains, les Jeux d'été. Après ça, les Jeux d'hiver. Et après, pour 2024, on s'en vient à Paris pour les Jeux d'été. Et 2026, ça va être déterminé, la candidature va être déterminée pour les Jeux d'hiver en juillet de cette année. Okay. C'est toujours 7 ans à l'avance. Okay. Fait qu'on est, on est là où on devrait être actuellement, mais je vous dis tout de suite que je ne suis pas certain qu'on va aller chercher un autre 13 médailles. Je le souhaite, mais je n'en suis pas certain. Je ne mettrai pas un gros 2 ce matin. OK. Monsieur Hall, Baptiste Brochu, c'est incroyable. On parle d'un athlète de la région, là, en planche. Il s'entraîne très fort, arrive à l'entraînement, fracture du tibia. Tu sais, t'as rêvé. Comment que ça doit être très dur pour un athlète psychologiquement? Il y a juste l'athlète qui peut nous dire quelle, ouais. quelle est l'ampleur, non pas de la déception, mais quelle est l'ampleur par rapport à tout ce que lui a dans son système. Le corps a une mémoire. Ouais. Avec toutes les heures d'entraînement, je dirais même les mois et les années d'entraînement. De sacrifice aussi. Un événement comme ça arrive, c'est pas juste l'athlète, c'est tout son entourage, sa famille et ouais. tous ces gens-là. Qui voit évidemment le résultat, désastreux dans certains cas, mais on a également des belles histoires. On a des histoires d'athlètes qui pensaient carrément qu'une blessure allait mettre fin à leur carrière et qui sont revenus à des niveaux encore supérieurs à ce qu'ils avaient avant la blessure. Mmh. Donc moi, ce matin, si je parle à cet athlète, si je suis son entraîneur ou quelqu'un autour de lui, je lui dis juste une chose. À partir de maintenant, tu vas mettre ta boussole sur un objectif extrêmement précis et dans 4 ans ou enfin peu importe, dans son cas ça pourrait être dans 4 ans et à partir de là maintenant tu vas mettre les turbos. Ah, je suis certain que si l'athlète a véritablement en lui la fibre nécessaire du champion, il va y arriver. Oui, il faut. Ben, monsieur Hall, gros merci. On se reparle vendredi prochain pour le résumé de la deuxième semaine. C'est bon. Paul Hall, notre spécialiste olympique. Merci.